L'islamisme, d'après le Coran par M. Garcin de Tassy. Exposition de la foi musulmane. Chapitre 6. De la prédestination et de la prémotion. Il faut encore confesser que le bien, le mal, que tout enfin a lieu par l'effet de la prédestination et de la prémotion de Dieu. Que tout ce qui a été et tout ce qui sera est décrété dans l'éternité est écrit sur la table conservée, livre où le destin des hommes est écrit. Que rien ne peut y être contraire. Que la foi du croyant, la piété de l'homme pieux et les bonnes œuvres sont prévues, voulues, prédestinées, décrétées par écrit sur la table conservée, produites, agréées et aimées de Dieu. Mais que l'incrédulité des infidèles, l'irréligion des indévots et les mauvaises actions arrivent bien avec la prévoyance de Dieu, avec sa volonté, par un effet de sa prédestination consignée sur la table conservée, et par l'opération de Dieu, mais non point avec sa satisfaction et son affection. Que Dieu prévoit, veut, produit, aime, agrée la foi, la piété est tout ce qui est bien, mais qui n'aime point et n'agrée point l'infidélité, l'irréligion et tout ce qui est mal, bien qu'il prévoie, qu'il veuille et qu'il opère ces différentes choses. Note. Il est bon de faire observer qu'il y a dans l'islamisme trois opinions différentes sur le libre arbitre. La première est celle du jabr qui consiste à affirmer que l'homme ne fait rien par lui-même. La doctrine contraire est celle du cadre. Ces deux opinions sont réputées hérétiques. La vraie doctrine sunnite qui est exposée ici tient un juste milieu et représente assez bien l'opinion générale des musulmans. Fin de la note. Si l'on demande pourquoi Dieu les produit et pourquoi il les veut, on doit répondre que Dieu très haut, en produisant le mal et en le voulant, en formant le diable, en le laissant vivre jusqu'au jour de la résurrection et en lui donnant le pouvoir de tenter les hommes, en créant les infidèles, les hommes irréligieux, et en opérant leur infidélité et leur irréligion, que Dieu, dis-je, en voulant tout cela, à des vues de sagesse qu'il ne nous est point donné de connaître. Personne ne doit s'enquérir de ce que Dieu veut, lui seul a le droit de faire de pareilles questions. Il faut donc croire à Dieu très haut, à ses anges, à ses livres, à ses prophètes, à la résurrection, enfin, il faut croire que le bien et le mal ont lieu par la prédestination de Dieu, par sa volonté et par son opération. Chapitre 7. De la foi et de la religion. Premièrement, la foi et l'islamisme sont une seule et même chose. Note. Avec cette différence, selon les théologiens musulmans, que la foi est la croyance intérieure, et l'islamisme est une marque extérieure de cette croyance par des actes religieux. Fin de la note. L'une et l'autre consistent à croire de cœur et à confesser de bouche que tout ce que Mahomet, sur qui soit la paix, nous a communiqué de la part de Dieu, est véritable, c'est ce dont nous venons de faire mention. Deuxièmement, la religion et le culte sont une seule et même chose, c'est tout ce que le prophète Mahomet nous a communiqué de la part de Dieu, soit ce qui concerne la foi, soit ce qui concerne les pratiques extérieures. Il suffit de croire, en somme, aux articles de la foi, il n'est pas nécessaire de pouvoir les exposer en détail. La foi de celui qui, sans être instruit de la doctrine musulmane, se contente de faire ce qu'il voit pratiquer aux fidèles, est vraie. Si quelqu'un connaît les choses dont la croyance est obligatoire, et qu'il en soit persuadé, sans être capable de les exposer de lui-même, en détail, on doit interpréter en bonne part cette incapacité. Le croyant qui a fait de grands crimes, comme s'il a tué un homme, s'il a commis la fornication, etc., ne cesse pas d'être du nombre des musulmans, pourvu qu'ils ne disent point que ces crimes sont permis. Si le croyant meurt sans s'être repenti d'un grand péché, Dieu peut permettre qu'il meure dans sa grâce, et lui pardonner ses fautes, autrement il le livre au tourment, en proportion de son crime, et le place ensuite dans le paradis. Dieu n'impose pas à ses serviteurs ce qu'ils ne peuvent faire. C'est-à-dire, suivant le commentateur turc, que lorsqu'on a des raisons valables de se dispenser des pratiques du culte, on le peut licitement. Si l'on dit à un fidèle, « Es-tu croyant ?» il doit répondre, « Je suis vraiment croyant, et non point, si Dieu veut. » Attendu, observe encore notre commentateur turc, qu'on ne se sert de cette formule que lorsqu'on n'est pas bien certain de quelque chose. Si on lui dit, « Mourras-tu dans la foi ?» il doit dire, « Je ne le sais point, mais Dieu le sait, car c'est une chose qu'on ne peut connaître. » Dieu ne pardonne ni le polythéisme ni l'infidélité, il pardonne s'il le veut les autres crimes. Il n'est pas permis de dire de quelqu'un, il est mort avec la foi, ou, il mourra avec la foi, ou bien, il ira en paradis, parce que nous n'en savons rien. Ceci n'est point applicable aux prophètes ni à ceux dont les prophètes ont parlé, comme Abou Bekr, Omar, Osman, Ali, que Dieu soit content d'eux, l'on peut assurer qu'ils sont dans le paradis. Il n'est point permis non plus de dire de quelqu'un, il est mort dans l'infidélité, ou, il mourra dans l'infidélité, ou bien, il ira en enfer. On doit excepter de cette règle ceux dont Dieu ou les prophètes ont parlé, tels que sont Satan, Abou Lahab, Abou Joël, etc., l'on peut assurer qu'ils sont en enfer. Abou Lahab est un oncle de Mahomet, grand persécuteur de son neveu. Il est parlé de lui dans le troisième chapitre du Coran. Abou Joël est un des plus grands ennemis de Mahomet et de sa religion. Il est permis de faire la prière pour chaque fidèle mort, qu'il ait été bon ou méchant. Il est permis à chaque croyant de faire la prière derrière un imam bon ou méchant, mais il est méritoire de la faire derrière un imam qui soit bon. C'est une chose blâmable que de suivre un imam méchant. Note. La prière en commun ne doit jamais se faire que sous la direction d'une personne placée à la tête de l'assemblée. Cette personne se nomme imam. Les assistants sont placés derrière l'imam. Fin de la note. Il n'est point permis de tirer l'épée contre les rois, quelque tyran qu'il soit. Prier pour les morts leur est utile. Faire des aumônes, lire le Coran, pratiquer d'autres bonnes œuvres et en appliquer le mérite aux morts est également utile à leurs âmes. Ceux qui sont persuadés de ces doctrines sont vraiment croyants et orthodoxes. Markemdan Archivorg 2021 d'après Gallica BNF FR Licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.